la moitié des Français. Le mot traité est violé, l'air usé depuis trop longtemps. Que tu penses de la haine, à cette putain de bourse tu es fidèle. Sans cogitancer, la tête baissée, le réarrêt d'un recul en pensant les noirs et les mains tremblantes. Les enfants de l'homme, tu es conscient, car tu n'as pas souffrir. Mais c'est à toi de se t'aider. Et cela à toi de jouer. Mais c'est à toi de se t'aider. Et cela à toi de jouer. Et c'est à toi de se t'aider. Mais cela à toi de jouer. Mais c'est à toi de se t'aider. Maintenant, à toi de jouer. Le temps pourri et l'esprit merci. Tu es pourri, ton Dieu dérive. Tu l'as envoyé, tu l'as abandonné. Et maintenant, tu es devant toi. Personne pour t'aider, personne pour t'écouter. Sans cette putain qui te tend la main. Tu les brilles, nous les on a couru la longer. Et dans la main de cette putain. Mais c'est à toi de se t'aider. Maintenant, à toi de jouer. Mais c'est à toi de se t'aider. Maintenant, à toi de jouer. C'est ta réalité. Dans ce labyrinthe où tu n'as vu l'issue. Dans cette spirale qui te sera fatale. Pour porter le meilleur tour au milieu. Mais c'est à toi de te t'aider. Maintenant, à toi de jouer. Mais c'est à toi de te t'aider. Maintenant, à toi de jouer. Le temps pour une idée, l'esprit largué. Pour rire, puis ton Dieu guérir. Tu l'as envahi, tu l'as abandonné. Et maintenant que t'es encore. Toi pour t'aider, personne pour t'écouter. Sans cette putain qui te tend la main. Sur les brûlés, ton parcours est allongé. Et tu dans la main de cette putain. Mais que t'as droit de jeter l'été. Maintenant, à toi de jouer. Mais que t'as droit de jeter l'été. Maintenant, à toi de jouer.